Pénitence. Elle me met dans la confidence. Enthousiasmé, je file à l'atelier où je tords, soude, perce, sue, tandis qu'elle file en ville à vélo. Quelques heures plus tard, tout est prêt. Nous ajoutons les derniers détails, fignolons, puis après avoir pris chacun une grande bouffée de courage, nous franchissons la clôture pour aller en apnée sonner au domicile des voisins. Bien que mon miloche intérieur me serine de ne pas fuir mes responsabilités, je suis pris d'une formidable envie de tourner les talons. Aussi, j'ouvre avec frénésie la boîte à outils du corps humain et je me saisis de ce que je peux, muscles, tendons et autres ligaments, pour tenter de disparaître à l'intérieur de moi-même. Je rentre la tête dans les épaules, courbe mon échine, plie mes genoux, mets les pieds en dedans, rabaisse mes sourcils. Qu'est-ce que vous foutez là ? Nous crache Monsieur Grand. Son visage rouge de colère enflamme le chambranle. L'air sort violemment de ses narines. Il fulmine, prêt à nous abattre. « Bonjour, cher monsieur. Nous venons réparer nos dégâts, » répond Lila dans un sourire. « Mais pas question ! Rentrez chez vous !» La main de Lila, posée doucement sur la porte, empêche l'homme de la claquer. Ma douce enchaîne alors quelques phrases enjôleuses dont elle a le secret. J'étudie. Les mots sont simples, le propos ordinaire, le ton n'en fait pas trop, pourtant cela fonctionne. Une alchimie difficile à décortiquer. Un peu séduit malgré lui, tout autant que furieux de l'être, mon voisin nous indique le jardin d'un geste du menton, sans daigner nous précéder. Il accompagne notre contournement de la maison d'un claquement de porte qui fait trembler le sol. Nous arrivons sur les lieux du crime. Il faut avoir de l'imagination pour deviner qu'il y eut jadis un beau carré de rosier. Je commence à comprendre le courroux de Pitou. Lila pouffe. Lorsque mon visage, effondré, rencontre ses yeux coquins, Maître entame une ascension. J'essaie d'être discret. Je sais que derrière le rideau du salon, un couple vient d'effectuer une rotation de 180 degrés, tournant exceptionnellement le dos à leur écran pour devenir spectateur d'une scène réelle, le couteau entre les dents. Les trois coups sont frappés. Pendant plusieurs heures, nous bêchons, plantons, ratissons, enroulons, prenons du recul. Nous ne pouvons nous empêcher de jouer la comédie des travailleurs investis d'une mission capitale. C'est le public qui veut ça. À un moment, je cabotine un peu. Geste trop ample, effet de bêche m'as-tu vu, expression faciale appuyée. Le manque d'habitude. En fin d'après-midi, notre travail est terminé. Fourbu, nous allons toquer à la porte par convenance, sachant qu'il eût été plus simple de faire un signe en direction de la fenêtre. Avant que nous ayons pu dire un mot, Madame Grand, qui vient de nous ouvrir en trombe, nous regarde, yeux humides. « C'est superbe! Vous êtes des artistes !» Nous contournons tous les trois la maison. Quand nous atteignons le champ de rosiers, ma voisine découvre le spectacle sans l'écran un peu terne du rideau, le regard agrandi d'admiration. Au milieu d'une tonnelle rouge et jaune sur laquelle grimpent des rosiers de mille couleurs, des massifs de plantes naines ont été mis en terre par nos soins, disposés en cercle. Au centre, plusieurs variétés d'œillets multicolores finissent d'égayer le tableau, la touche finale étant apportée par de petits galérons disposés avec soin. Je trouve moi aussi le résultat très beau, si bien que je renonce à toute modestie pour m'abandonner à une fierté passagère que, comble du bonheur, je partage avec Lila. « Merci, merci, merci !» nous répète la voisine. « Excusez mon mari pour son emportement, mais c'est vrai que nous avons été surpris en voyant le jardin ce matin. »« C'est normal, madame. C'est à nous de nous excuser. » Nous avons eu un petit incident hier, et votre jardin en a fait les frais, explique Lila dans un sourire qui se tord. Rien de grave, j'espère. Vous faites des travaux, Miloche ? Oui, on peut dire ça. En tout cas, je suis content pour vous que vous ayez trouvé une compagne aussi sympathique et aussi jolie. Merci, madame. Moi aussi. Ça va mieux, votre jambe ? Parfait, merci. Comme avant. Lila laisse un micro-silence faire semblant de s'installer. « Bon, on ne va pas vous déranger plus longtemps, madame. Bien le bonjour à monsieur. »« Oui, merci. Attendez. » La voisine disparaît dans la maison pour revenir chargée d'une bouteille. « Tenez, c'est du guignolet. C'est mon pauvre père qui l'a fait. »« Je suis très embarrassée. Je veux refuser, mais Lila prend la bouteille de bon cœur en remerciant la dame. Je l'imite. » Après quoi nous rentrons chez moi. Sur le court chemin, Lila s'extasie. Elle est gentille, ta voisine, dis donc. Elle s'appelle comment, déjà? Je ne sais pas. Je ne connais que le prénom de son mari. Il s'appelle Jean-Luc. Elle a prononcé son nom à plusieurs reprises devant moi. Elle, je l'appelle la voisine ou Madame Grand. Enfin, j'évite surtout de l'appeler. Oui. T'as quand même remarqué qu'elle te donne du miloche. Mais bien sûr. Mais c'est mon prénom, Lila. D'accord, d'accord. J'ai compris ce que tu veux me dire. Waouh, ça fait du bien à entendre. Bon, c'est pas tout ça, mais il faudrait penser à bâcher le toit, et pas plus tard que maintenant. Je crois que ça va tomber. En effet, après que nous avons disposé un grand plastique sur le toit, lesté de quelques grosses pierres, les premières gouttes commencent à nous mouiller la nuque. Nous rentrons vite à l'intérieur de la maison pour jouir à l'abri de la pluie qui tombe dans une lumière apocalyptique, sous un vacarme d'eau se déversant sur la bâche tendue au-dessus de nos têtes. Je tiens Lila par la main. Nous nous sourions, visage modelé par la lumière tranchante des éclairs. Si ma vie matérielle rangée va à volo, si mes vieilles habitudes sont cul par-dessus tête, si le monde que je m'étais créé s'écroule autour de moi, Lila, à mes côtés, féerise mes jours. Alors, les semaines se groupent, baptisent des mois, et les mois se succèdent avec douceur. Lila et moi, grâce à nos dons innés pour l'excavation, nous faisons découvrir toutes sortes de destinations. La montagne, où elle m'apprend à tenir sur des skis, à foncer dans une luge au milieu de paysages désertiques, enivrant à force de blancheur, et je m'attends à voir surgir le Yeti. Une jolie ville en Italie, où nous errons de nuit dans les ruelles, entre les canaux, sur les ponts. D'autres campagnes magnifiques où je sculpte d'autres troncs. D'autres mers gigantesques où nous faisons d'autres planches, quand les vagues ne ressemblent pas à des immeubles. Des paysages merveilleux, des températures changeantes. Mais je regrette un peu de n'avoir toujours pas trouvé le chemin de la lune. Quelques rares courgettes parviennent encore à pousser entre trous et monticules. Nos souterrains sont à présent de véritables labyrinthes. Et jamais je ne sens le besoin de me coller des plumes sur les bras. Ce n'est pas le cas de Lila. Bien que nous visitions 1000 paysages merveilleux et changeants du vaste monde, alors que je lui donne tout mon temps, que je néglige la réparation de mes vélos, que je ne touche presque plus à mes marbres, je sens bien qu'elle s'ennuie.